Canal Sud, 92,2 MHz, c'est Anexia. Téléphone 05 61 53 36 95. À venir, lecture. Tout de suite, quelques annonces. Demain, au pavillon sauvage. Vernissage à 17h. Ou 19h, pardon. Excusez-moi, je cherche. Oui, c'est ça. Le vernissage des éditions terriennes, c'est à partir de 17h au pavillon. Et ça sera avec le groupe Ultra Démon. Et en suivant, il y aura Attic Ted et Gabriel Hibert, qui fait partie, entre autres, des horlogistes. Le 27 juin à 20h30, le troisième concert du Phil, ou la Phil, puisque c'est fabrique d'improvisation libre. Et c'est à 20h30, c'est l'entrée libre. Avant et après les annonces, vous avez pu entendre des pièces et extraits de pièces de Bernard Parmigiani. Ainsi que White Mandingos, Electric Wizard, The Moon Silver Zion, Prodigy et Alchemist. Et tout de suite, dans quelques instants, lecture, Angelica Lidl, Belgrade. I'm going to go to the hospital. Waiting on a prop. motherfuckers, what you waiting on? What you waiting on? Cause motherfuckers said he waiting on the world to change. Couldn't date a black girl, kinda strange. Is he a racist or just fucking lame? Fuck John Mayer with a dick full of cocaine. Wait a minute, ain't that the same? Hate for hate makes us all insane. Divide and conquer, it's the oldest game. Are we waiting on the president to make a change? They got us waiting on the government for welfare. Waiting on the guy that don't fucking care. While we waiting, we won't ever get a fair share. So what you waiting on? What you waiting on? Waiting on a prophet while the people suffer. Waiting on their courtrooms to bring us justice. While we waiting, we can take it from these motherfuckers. What you waiting on? What you waiting on? Vous avez vraiment l'impression que nous nous ressentons, que vous avez apporté quelque chose de très neuf dans l'art contemporain. Angelica Liddell, Belgrade, chante ma langue, le mystère du corps glorieux. Dans la chambre d'hôtel, Agnès et Balthazar. Agnès. Ça y est, je commence à me couper avec des choses. Ce sont des accidents qui arrivent, L'accident. Une coupure superficielle par hasard sur un doigt, pas innocemment. Ça fait déjà une coupure et une brûlure. Tu les vois ? Les accidents, une coupure et une brûlure. Quand tu penses à autre chose, tu te coupes le doigt et tu te brûles la paume de la main. L'accident me réconcilie avec l'intimité. J'avais besoin de cet échec, ce genre d'échec sentimental, strictement sentimental, pour me réconcilier avec l'intime. L'intime, avec l'intérieur. Après avoir été tellement extérieur, après la colère sociale, après le travail social, le collectif, Toi aussi, tu sais ce que c'est la colère sociale, l'amour de l'humanité, ce maudit complexe de Jésus-Christ, inévitable dévorateur. Je suis une reconstructrice, reconstructrice de pays brisés, reconstructrice de pays immensément brisés. Tous ces endroits depuis que j'ai 25 ans, la Somalie, le Salvador, la Palestine, le Guatemala, désarmer la guérilla, génocide sur génocide. 15 ans parmi les assassins par amour de l'humanité, et puis le Kosovo par 20 degrés en dessous de zéro, sans eau ni électricité. Ils mouraient de froid, ils mouraient. Le matin, on construisait des hôpitaux, et la nuit, ils les brûlaient. Des briques le matin et du feu la nuit. Toute cette compassion au feu, tout l'extérieur au feu. Tout l'amour de l'humanité au feu, encore et encore. Mais à présent, je suis une petite fille des aimés. Maintenant, je suis intérieure. Tu as remarqué ? Tu as remarqué quelque chose d'étrange en moi ? Je suis devenue intérieure. Je ne dors plus la nuit. Ça fait une semaine que je ne dors pas. Si tu savais le silence que je fais la nuit quand je ne dors pas, je fais silence, je fais silence. Oui, je sais, tu finis par mourir sous la roue de la voiture. Oui, tu finis par mourir. Mais jusqu'à ce moment-là, tu sors tes cheveux par la fenêtre pour qu'ils te traînent et qu'ils te traînent. Humiliation. C'est ce que cherche celui qui laisse filer ses cheveux par la fenêtre. Humiliation. Nécessaire, d'une certaine façon, il est nécessaire de sentir que quelqu'un qu'on aime ne nous aime pas. Quelqu'un de physique, de sexuel. Pas l'humanité. Quelqu'un qui te fasse souffrir pour de vrai, sexuellement. Une souffrance qui se replie dans le moi, sans tenir compte de l'humanité. Sans replier dans le moi, tu comprends ? Le moi se perd, le langage se perd. Il se perd dans ce genre d'endroit. Kosovo. Là-bas, on ne forgeait pas d'histoire. Là-bas, on ne pouvait pas combattre l'injustice. Là-bas, on ne pouvait pas aimer l'humanité. Rien que la misère et la sauvagerie. Mais souffrir par amour, sexuellement, ça te surprend que je dise ces choses-là ? Souffrir par amour. Souffrir par amour est un désir d'intimité. L'amour nous fait être seuls avec nous-mêmes. Et c'est ça, c'est de la volupté. Et moi, j'avais besoin de volupté après le Kosovo. Faire monter un genre d'angoisse voluptueuse, j'avais besoin du sentimental, de m'enfoncer dans une bouteille strictement sentimentale, maudit langage. Il ne leur sert à rien. Il ne leur sert à rien à ces gens-là notre stupide langage de guerre, notre amour pour l'humanité. Il meurt, je n'en peux plus. Je veux m'émanciper du langage de guerre. Il est devenu une prison, ce maudit langage de guerre. Une prison pour mes émotions intimes, pour mes désirs. Et Dieu a condamné l'homme au langage de guerre pour le punir de ses désirs. Mes désirs ne sont pas de ce monde. Mes désirs ne sont pas de ce monde. J'imagine ton père. Une vie entière consacrée au langage de guerre. Il doit être un exemple, un guide, un phare. Avoir un père comme ça. Si seulement je pouvais parler de mon père comme toi tu parles du tien. J'ai connu ton père à Islamabad. Un père vraiment exemplaire, un Nobel vraiment mérité. Si seulement j'avais eu un père exemplaire. Mais à présent, je suis la petite fille des aimés, complexée d'être si vieille. Mon corps ne transmet que de la déception, pas la moindre tristesse. C'est ce que je cherche, la tristesse. Mais mon corps ne transmet que de la déception. Je sers juste à distraire avec mon langage de guerre. Condamnée pour mes désirs à distraire avec mon langage de guerre. À distraire des gens affolés par l'information. Des gens avec des désirs de ce monde. Des tas de gens avec des désirs de ce monde. Solidaires juste en s'informant. Je sers à distraire tous ces porcs oisifs, des lecteurs de ce monde, des inutiles bien informés avec mon médiocre langage de guerre, avec ma conscience méningitique. Nous sommes les passoires de la merde, du chancre civil. La vie est un massacre en suspens. Les vers viennent chier sur nos têtes. Nous sommes dévorés par les puces d'un massacre en suspens. Les gens te reniflent, on sent mauvais, barbouillés par les odeurs du monde, l'immondice morale. Quand tu parles de la guerre, tu finis barbouillé par les immondices de l'humanité. Vient un moment où tu ne digères plus, tu ne digères plus. Les pires caillots, tu ne les digères plus. Comme des boules de poils et de sang collés aux parois de l'estomac en train de pourrir. La compassion, la pitié, la conscience. Oui, la compassion, la pitié, la conscience. Un seul corps ne peut pas faire face à tout ça. Le massacre de Srebrenica. Tu sais ce que ça veut dire être un spécialiste du conflit balkanique ? Tu ne peux plus éviter d'être un spécialiste du conflit balkanique. Chaque pays des Balkans est une niche. Une gigantesque niche bourrée d'ossements. Un seul corps ne peut pas faire face à tout ça. Et les juges qui disent qu'il est déplacé de parler de la douleur des victimes, mais dès que tu regardes une victime dans les yeux, tu ne peux plus éviter d'être un spécialiste du conflit balkanique. Ils vont rouvrir la fosse de Kamenica. Plus de 1000 personnes enterrées dans la fosse de Kamenica. Encore l'humanité. C'est un vampire l'humanité. Mais rien ne m'empêchera d'être la petite fille des aimés. Même le fait d'être un spécialiste du conflit balkanique ne m'empêchera pas d'être la petite fille des aimés. Je suis bourrée d'ossements, comme une fosse commune. Je veux aimer et qu'on ne m'aime pas. Je veux qu'un génocide me semble peu de choses comparé à ma douleur. Qu'on nous tue tous. Tu as remarqué cette ride ? Dévastatrice, pas vrai ? Absolument dévastatrice. Ce n'est pas une ride. Je me la suis faite avec un couteau à l'âge de 10 ans. Je voulais être vieille à 10 ans. Je voulais avoir les mêmes rides que ma mère, les mêmes. Alors je me suis coupé le front avec un couteau de table, d'une tempe à l'autre tempe. Et maintenant que j'ai des rides pour de vrai, comme si toutes on me les avait faites avec un couteau, on ne distingue plus la cicatrice des rides. C'est maintenant qu'apparaît la petite fille des aimés. Et quand apparaît la petite fille des aimés, l'humanité cesse d'exister. Peut-être que si j'avais eu un enfant, elle ne serait jamais apparue, cette petite fille des aimés, totalement horizontale. Mais je ne pouvais pas mettre un enfant au monde et lui donner une famille comme la mienne. Des grands-parents comme mes parents. Si seulement je pouvais parler de mon père comme toi tu parles de ton père. Un mois que je suis enfermée dans ce maudit hôtel. En train d'écrire sur les Balkans. Les Balkans. Comment peut-on être spécialiste des Balkans ? Ce pays n'existe pas. C'est une invention, une fantaisie balkanique. Mais dans le fond, je voudrais écrire sur l'amour. Je voudrais écrire le Werther. J'ai toujours voulu écrire le Werther depuis toute petite. Depuis que je me suis coupé le front avec le couteau de table. Ici aussi, les gens aiment, tu ne crois pas ? Tu as vu le Werther sur la table ? Tu as dû te demander qu'est-ce qu'il fout sur la table, le Werther. Eh bien voilà, j'aimerais écrire le Werther. Sauf que j'écris sur les Balkans. Parce que je suis spécialiste de la situation dans les Balkans. Parce qu'on n'arrête pas de rouvrir des fosses communes. Pas moyen que les Balkans, ce soit l'amour ? Je suis assaillie par le littéral. Tu peux continuer à écrire au-delà de ce qui est exclusivement littéral ? Je veux dire, si tu écris sur la fosse de Kamenica, tu peux juste écrire. Les restes d'un millier de victimes du massacre de Srebrenica ont été exhumés de la plus grande fosse commune de Bosnie. Tu ne peux pas l'écrire autrement. Ni fiction, ni poésie, ni philosophie. Je ne trouve pas d'autre moyen de décrire la douleur que la littéralité. La seule description, le simple rapport des faits. En d'autres mots, la douleur est... Les restes d'un millier de victimes du massacre de Srebrenica ont été exhumés de la plus grande fosse commune de Bosnie. La douleur est le simple rapport des faits. La seule représentation possible de la douleur est le simple rapport des faits. Le reste, c'est du spectacle. Miséréré, nous appellerons humblement ta miséricorde. Nous te prions de nous accueillir dans ta paix et de nous prendre sous ton aile. Au siège du parti, l'homme loyal envers Moscou répond à Balthazar. Vous voulez que j'aie honte, c'est ce que vous voulez. C'est ce que veulent tous les gens comme vous. Je le devine à votre ton, à votre façon de demander. Tous les Européens qui posent des questions comme les vôtres viennent pour qu'on ait honte. Vous en rencontrez beaucoup, des gens qui ont honte. C'est dommage, c'est vraiment dommage que des gens comme vous viennent pour que notre peuple ait honte. En ce moment qui plus est, juste quand on porte le deuil, de notre président légitime, un président de légende, un héros de la Révolution, un authentique chef d'État, un défenseur de la patrie, un héros de la Révolution. Vous voulez voir le livre des doléances ? Il y a des signatures des meilleurs des Serbes. C'est vous qui l'avez empoisonné. Nous irons au bout de notre enquête. Nous irons au bout de cette enquête, croyez-moi. Avoir laissé mourir un héros de la Révolution, l'avoir laissé mourir en prison, comme n'importe quel délinquant. Quelle honte, quelle honte. Moi, par contre, je ne vois pas de quoi j'aurais honte. Mon parti vient de m'accorder une nomination. De quoi voulez-vous que j'aie honte, puisque j'ai l'amour de mon patri... On m'a nommé inspecteur des comportements. Je suis capable de renifler un individu à 10 mètres. Je suis capable de savoir ce qui se corrompt dans sa tête. Vous, vous parlez sur un ton, vous savez. Un ton comme si j'étais un criminel. Comme si notre héros était un criminel. Les criminels, c'était les autres. Les autres, vous comprenez ? Vous avez choisi le camp des criminels, des musulmans bosniaques, des albanais. Nous ne leur rendrons jamais le Kosovo. Qu'ils viennent déterrer leurs morts et qu'ils les emmènent où ils veulent. Je n'ai aucune raison d'avoir honte. Pas comme tous ces traîtres que vous interviewez. À cause de tous ces traîtres, les valeurs se perdent. Les valeurs, oui, les valeurs. Les valeurs du parti, les valeurs. Nous avons une académie des sciences et des arts. Nous avons une bibliothèque nationale, un musée national et un théâtre national. Nous avons tout ça à Belgrade. Et tout ça grâce au parti, mon parti, le parti de notre héros. Je me considère comme un serviteur de mon parti. Un homme humble, vraiment humble, et qui fait les choses humblement. Vous avez bien observé mes vêtements ? Malgré ma fonction, je m'habille humblement. Je vois pas pourquoi j'aurais honte. Je n'ai pas à avoir honte. Je suis dans un bureau. Je viens de prendre mes fonctions. Je suis un bon inspecteur des comportements. Le parti m'a accordé sa confiance. Une confiance absolue. Confiance. Sachez que les nôtres étaient pleins d'enthousiasme. Ce peuple était bien plein d'enthousiasme. Et vous, vous venez ici pour nous affaiblir, pour qu'on ait honte. En ce moment qui plus est, juste quand on porte le deuil, qu'on se frappe la poitrine, qu'on s'arrache les cheveux pour notre héros à Belgrade. Il ne vous aura pas échappé qu'à côté du cercueil, les cadres les plus importants sont là, les cadres les plus importants du parti. Ils ont recouvert le cercueil du drapeau serbe et personne n'en a eu honte. Au contraire, c'est comme ça qu'on pleure la perte d'un grand homme, en recouvrant son cercueil du drapeau serbe. Un jour, ce gouvernement, ces usurpateurs, regretteront de ne pas l'avoir enterré avec les honneurs de l'État. Notre héros méritait des funérailles nationales. Malgré tout, et malgré l'opposition des usurpateurs, le dernier adieu à notre héros a eu lieu en face du siège du Parlement, au centre de la capitale. En plein centre de la capitale. 100 000 personnes en train de faire leurs adieux à notre héros en plein centre de Belgrade. Même la République serbe de Bosnie a affrété des autobus gratuits jusqu'à Belgrade. Et vous venez me parler de massacre à moi. Je suis pour une politique conçue en défense de la vie. Je suis contre l'euthanasie, contre l'avortement, contre toutes ces saloperies. Je suis absolument contre. Qu'est-ce que vous croyez ? Nous avons simplement tué l'ennemi. Avant que l'ennemi ne nous tue, nous. 8000 morts à Srebrenica, ça fait 8000 criminels en moins. J'en ai marre d'entendre parler de Srebrenica. Marre, marre, marre. Sachez que moi, je n'ai pas honte, pas comme les autres. Moi, je n'ai pas honte de dire ce que je pense. Nous continuerons à lutter pour une patrie qui soit seulement pour les Serbes. Seulement pour les Serbes. Nous comptons sur l'appui de Moscou. Vous avez empoisonné notre représentant légitime en Hollande. Voyez-vous ça, en Hollande. Ce sont les médecins hollandais qui l'ont tué. Je me sens anti-européen. C'est vous qui devriez avoir honte. Nous exigerons la suspension du procès au tribunal de La Haye. Sachez qu'il y a aussi des criminels croates et bosniaques à La Haye. Mais les Serbes sont les seuls à mourir en prison. C'est un procès contre le peuple serbe. Sachez que la Russie va exiger une enquête indépendante. J'ai bien dit indépendante, sur les causes et les circonstances de la mort de notre héros. Les pathologistes russes travaillent déjà auprès des pathologistes serbes sur les causes et les circonstances de sa mort. Grâce à Dieu, nous avons eu les meilleurs pathologistes. Nous ne sommes pas convaincus par l'autopsie. Nous exigerons des examens toxicologiques. Nous verrons bien quand nos pathologistes auront les résultats des examens toxicologiques. Pour conclure, vous pouvez avoir la certitude que je ne vais pas risquer ma carrière en vous parlant d'une guerre qui, au bout du compte, est déjà oubliée. Vous n'entendez pas le bruit de la discothèque ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on se mette à répondre à des enquêtes ? Vous voulez démontrer que, même aujourd'hui, tout est similaire ? Que même aujourd'hui, on peut trouver des choses tellement similaires ? La décomposition de la société civile, comme vous dites. C'est quoi ça, la décomposition civile? Vous croyez que parce que votre père est un Nobel? Sachez que je me défie des artistes qui font de grands discours. Ils utilisent le discours pour légitimer leur œuvre, pour justifier leur médiocrité. Les œuvres des artistes à discours sont des instruments de domination. Ils ont l'air pétris de bonnes intentions, mais dans le fond, ils construisent de dangereux instruments de domination. Moi, la seule chose qui me distrait vraiment, ce sont les histoires. Les histoires. Les arguments. Mon plus grand plaisir, ce sont les bouteilles d'eau et les arguments. Sachez que j'ai plus de 600 bouteilles d'eau, toutes différentes. On me les rapporte des quatre coins du monde. J'ai la plus grande collection de bouteilles d'eau. Je veux que vous écoutiez l'enregistrement du discours de 89, le discours génial de 89. Vous pouvez acheter le disque si vous voulez. Et peut-être qu'enfin vous comprendrez la situation. Il branche un magnétophone où l'on entend la voix de Milosevic. La discorde entre les politiciens serbes ainsi que leur mentalité servile ont conduit à l'humiliation de la Serbie. Durant des années, des décennies, les Serbes se sont sentis inférieurs, mais nous voici aujourd'hui réunis au Champ des Merles pour annoncer que ce temps est révolu. Il éteint le magnétophone. C'est suffisant. Vous avez compris. Vous avez fini par comprendre. Nous n'abandonnerons pas le Kosovo, le berceau de l'État médiéval serbe. Ce n'est pas une question d'idées, mais de loyauté. Je suis loyal envers le parti et je suis loyal envers Moscou. Par-dessus tout, je suis loyal envers le parti et je suis loyal envers Moscou. Si nous travaillons avec Moscou, nous récupérerons le pouvoir. Nous expulserons les usurpateurs. Sachez qu'ils gouvernent grâce à vos votes. Ils ont besoin des votes de notre parti pour continuer à gouverner. Ils ont besoin des votes des partisans de Milosevic. Sachez que je n'ai pas l'intention de défendre tous ceux que vous appelez des victimes. Je ne crois pas aux victimes, pas plus que je ne crois à l'art contemporain. Je ne crois ni aux victimes ni à l'art contemporain. Je n'ai pas l'intention de m'exposer à cause de quelques pauvres types qui me détestent parce que j'ai une meilleure situation. Je n'ai pas l'intention de défendre cette racaille qui n'hésiterait pas à me trancher la gorge dans une ruelle pour me voler mon portefeuille. Vous voulez savoir quel est le problème des gens comme vous ? C'est que vous finissez anéantis par cette racaille que vous défendez. Les pauvres, il n'y a pas plus ingrat. Maudit Albanais, maudit Chacal. Tout ce qu'ils éprouvent, c'est du ressentiment. Allez à Pozarevac, allez-y. Là-bas, vous verrez ce que c'est que la Serbie. Là-bas, vous le verrez comme il pleure, notre peuple, sur la tombe de notre héros. Des tonnes de fleurs. Des tonnes de fleurs. Des tonnes de fleurs arrosées par de vraies larmes. Agnès, tu crois que les sentiments collectifs sont des sentiments authentiques ? Qu'ils sont les vrais sentiments ? Moi, j'ai l'impression que le langage dont je dispose ne me permet plus de prendre possession de mes vrais sentiments. Le mot ne peut plus rencontrer mes vrais sentiments. Je peux seulement être littérale. Littérale dans ma relation au monde. Je peux seulement être littérale comme une nouvelle, comme une information. Mon langage ressemble plus à des gros titres qu'à autre chose. Je n'ai pas de langage pour l'imagination. Les nouvelles espèces sont les nouvelles espèces, et le bourreau ne trouve pas d'autre nom que celui de bourreau. L'inaptitude aux métamorphoses m'a rendu moins humaine. La métaphore est la mesure humaine. Elle ne peut pas être la mesure d'un chien, mais de l'humain, ça oui. Tout ça, c'est à cause des sentiments collectifs. Les sentiments collectifs conduisent inévitablement à la littéralité. Tôt ou tard, à la littéralité. Il faut être un artiste comme ton père. Il faut être un artiste pour que les sentiments collectifs admettent la poésie, la beauté. Il faut être un artiste des sentiments collectifs comme ton père. Pour que les sentiments collectifs se transforment en beauté. Il faut avoir foi dans le progrès humain. Moi, je n'ai pas foi dans ce foutu progrès humain. Moi, j'ai toujours voulu écrire le Werther. Le Werther est point. Pourquoi, alors, ai-je versé dans les sentiments collectifs ? Pourquoi n'ai-je pas écrit le Werther ? je suis arrivée à la conclusion que mon langage est plus libre quand j'aime. Je suis plus libre quand j'aime. Et quand j'aime et qu'on ne m'aime pas, je suis plus libre. Alors le mot commence à rencontrer mes véritables sentiments. Le mot apparaît. Comme si je m'habillais de neuf et de blanc. Me masturber à n'importe quelle heure, en pensant à ce garçon de l'hôtel. En pensant à la distribution miraculeuse de ses ossements serbes. C'est une bouffée d'air. Une vraie bouffée d'air. Tu as remarqué ses mains ? Il a les plus belles mains du monde. Je n'en pouvais plus de la colère, des sentiments collectifs. Je te jure, je n'en pouvais plus. À présent, la petite fille des aimés débarque pour parler de l'amour, comme une prophète démente et pauvre. La petite fille ne peut plus être que l'indigence. Elle ne peut plus être qu'elle-même. Elle débarque pour parler du haut de la montagne de sel. Et lui, tu ne l'as pas remarqué ? On ne peut pas ne pas le remarquer. Tu as remarqué ? Tu as remarqué ses mains ? C'est lui qui sert le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Il a tué quelqu'un, ça se voit. Il te sert le café comme s'il posait un flingue sur la table. Ici, tout le monde a tué quelqu'un. Je sais que je devrais penser aux crimes de guerre, aux viols. J'ai passé ma vie à écrire sur les viols. Je sais que je devrais m'indigner. Mais en ce moment, je pense seulement à sa tête miraculeusement blonde. C'est la part d'égoïsme qui me revient. Je ne veux pas me débattre entre l'égoïsme et le devoir. Je veux juste l'égoïsme. Après 15 ans de devoir, je veux juste l'égoïsme. J'ai faim de folie. Faim d'une chose intérieure. Je me branle des funérailles de Milosevic. J'ai essayé de comprendre le modèle d'horreur vers lequel s'achemine l'humanité, mais je ne peux plus continuer. J'ai besoin de succomber à l'égoïsme, à un autre genre de transcendance. La transcendance de l'amour, du véritable amour. Je veux mordre le visage de ce garçon. Je veux qu'il jouisse dans ma bouche. Je veux qu'il me fasse saigner. Je veux qu'il me fasse saigner. Je veux pleurer par sa faute. Tu as remarqué ses mains ? Cette fois, je veux perdre. Perdre sans raison. Sans aimer l'humanité. Simplement aimer ce garçon qui me sert mon petit déjeuner le matin, comme s'il posait un flingue sur la table. Vouloir baiser avec lui. Je ne pense qu'à baiser avec lui, à n'importe quelle heure. J'avais besoin d'écrire encore et encore le verbe « baiser » avec une écriture de vieille, énorme et lente. Après m'être consumée dans la colère sociale, j'avais besoin de quelque chose de concret. Quelque chose qui est un corps, des yeux, une bouche. J'avais besoin qu'une seule chose ait de l'importance. Ça, ça et rien d'autre. La petite fille des aimés avait besoin de parler d'elle, de ce qui est à l'intérieur d'elle. Du masochisme, tu peux te dire. Oui. Peut-être que j'avais envie d'engager une relation malsaine et masochiste avec moi-même. C'est ça que je cherchais. Ça. Je crois que je l'ai cherché pour m'autodétruire. J'ai cherché une tête miraculeusement blonde pour m'autodétruire. Sans intention d'obtenir quoi que ce soit en échange, mis à part la douleur. Une douleur privée. Pas une douleur de reportage de guerre, mais une douleur strictement privée. Aucune supériorité morale. Aucune attitude éthique. L'éthique. Le Kosovo par 20 degrés en dessous de zéro est l'éthique. C'est le Danube. C'est le Danube qui collabore à cette folie. Bourré de cadavres, tu te souviens ? Je l'aime. Si je le regarde encore, j'ai le cœur qui va lâcher. Si je le regarde encore, j'ai le cœur qui va lâcher. Je veux me sentir libre pour dire ce genre de choses. Si je le regarde encore, j'ai le cœur qui va lâcher. Mon corps ne fait pas d'ombre. Quand on aime, notre corps ne fait pas d'ombre. Tu vois ? Je mets ma main entre la lampe et le sol, et elle ne fait pas d'ombre. Quand on aime, notre corps ne fait pas d'ombre. On porte l'obscurité en dedans. Qu'est-ce que tu en penses ? Être libre pour se débarrasser de tout ce sentimentalisme à la con. Un langage strictement sentimental, chargé de phrases théâtrales. La petite fille des aimés a enfin trouvé la main qui va la traîner par les cheveux, et rien d'autre. Il y a une maladie, j'ai oublié son nom. Des enfants qui se dévorent eux-mêmes. Ils se dévorent eux-mêmes en commençant par leurs ongles, par leurs doigts. Pouvoir écrire là-dessus, sur cette tête miraculeusement blonde, sur ce garçon. Vouloir mourir. Mourir pour lui, par amour. Sans penser à la possibilité d'améliorer le monde, sans indignation. C'est ce qu'elle cherche encore et encore, la petite fille des aimés. Enfin, la tristesse, le désir, la folie, la douleur, l'autodestruction. J'en suis convaincue que si je baisais avec ce garçon sortirait un couteau et il me tuerait. Il m'assassinerait de ses propres mains. Il serrerait comme ça, comme ça, comme ça. Si je couche avec ce garçon, il me tuera de ses propres mains. Il me baisera et me tuera. Je te l'ai déjà dit. Il sert le petit déjeuner comme s'il posait un flingue sur la table. Regardez ses mains, ça m'angoisse. Regarde-le bien demain. Regarde bien ses yeux et tu me diras. Ma faiblesse. Ses yeux. Ses yeux de l'Est. Tu sais qu'un jour j'ai croisé son regard. Une seconde, je l'ai croisé une seconde. Et là, tu sais quoi? J'ai eu un blanc. J'ai commencé à tout voir en blanc. À ce moment-là, j'ai su que j'étais prête à souffrir. Regarde-le bien demain. Regarde bien la miraculeuse tête. Parce que si moi je le regarde encore, tu es prévenue. J'ai le cœur qui va lâcher. Ça t'étonne que j'utilise ce genre de phrase? Ça t'étonne beaucoup? Du sentimentalisme à la con, pas vrai? Le Werther, le Werther. Moi, en revanche, je me sens libre en utilisant ce genre de phrase. Tu crois qu'ils se moqueraient de moi? Mes camarades reporters de guerre. J'ai eu un blanc. Surtout mes camarades reporters de guerre. Mes camarades dans l'indignation, dans l'engagement. Ils se moqueraient. C'est incroyable comme ils sont sûrs d'eux. Mais dans le fond, ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont pas encore eu peur de leur imagination. Ils travaillent pour parvenir au succès. Moi, je travaille pour m'oublier moi-même. C'est ce qui nous différencie. Leurs ambitions dégoûtantes. Quand je baisais avec tous ces mecs, avec tous ces professionnels de la colère sociale, mes collègues de l'amour universel, quand je baisais avec eux sans les aimer, j'avais besoin de penser à des viols pour jouir. Je pensais à des femmes violées. Je pensais à des scènes brutales. Des viols en série, atroces. J'imaginais des soldats, tu comprends? Quand je baisais avec eux, j'imaginais des soldats. Des dizaines de soldats sur moi. Pour m'exciter, il fallait que j'imagine des soldats forts et sadiques, avec une bosse au pantalon. Des jeunes, presque des enfants soldats qui arrachent mes vêtements, qui me fourrent partout leurs doigts et le canon de leur pistolet, qui me violent encore et encore, comme des bêtes superbes, qui m'arrosent de sperme chaud, qui m'obligent à avaler leur sexe encore et encore. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, contre l'imagination répugnante? Savourer cette imagination répugnante. Dans le monde de la ruse et des ambitions, l'authenticité se loge dans ce qui répugne. J'imaginais des soldats, j'aimais ça. Tu vois? À l'intérieur de moi. Et non, ce n'était pas répugnant. Être violé par une armée d'enfants soldats, ce n'était pas répugnant. Ce n'était pas répugnant. Maintenant, tout ce que je veux, c'est prendre mon petit déjeuner dans ce restaurant chaque matin. Renifler le bras de ce garçon. Écouter le bruit de sa chemise. Observer la violence de ses mains quand il s'approche pour me servir le café, comme s'il posait un flingue sur la table. Il doit avoir 20 ans de moins que moi. Je l'aime, je l'aime. Je suis prête à écrire le Werther. Je me fiche qu'il ait tué, je me fiche qu'il ait violé. Ici, tout le monde a tué quelqu'un, ou a violé quelqu'un, ou a été violé. C'est mal de le dire? Tu penses que c'est immoral, amoral ou comme tu voudras? Tu le penses, je sais que tu le penses. Oublie la correction. Je ne parle pas pour que ma mère puisse comprendre. Je n'écris pas des articles pour les mères, ni des cartes postales pour les mères. Elles me font chier, les mères. Les bonnes sœurs et les mères. Je ne suis pas non plus comme ton père. Mon but n'est pas d'éduquer. Je manque de grandeur, de dignité. Toute une vie dédiée à la justice, un Nobel. Je préfère être insignifiante. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? On choisit ou pas d'être insignifiante ? Je préfère être de la boue. Je n'ai vu que des morts tout autour de moi, des morts et encore des morts. Ce garçon, au moins, il est vivant. Je prendrai mon petit déjeuner autant de matins qu'il le faudra dans ce maudit hôtel. Je vivrai dans ce maudit hôtel jusqu'à ce que ce joli garçon s'en aille. Alors je partirai à ses trousses. Durant tout le reste de ma vie, je traverserai les mers, les cordillères, même pieds nus, aux trousses de quelque chose de vivant, pas de quelque chose de mort. Note sur les funérailles. Quand quelqu'un meurt, il faut mettre de côté les différents politiques, dit le président serbe. La mort de Milošević m'a ému en tant qu'individu, dit le ministre de la Justice. Milošević a donné l'ordre d'assassiner des milliers de gens, des membres de mon parti, de l'opposition et de ma famille, sans compter les tentatives d'assassinat contre ma propre personne. Que voulez-vous que je dise ? C'est dommage qu'il n'ait pu être jugé à Belgrade, dit le ministre des Affaires étrangères. Ce gouvernement est un ramassis de mercenaires, dit la veuve de Milošević. Ceux qui ont des comptes à rendre à la justice serbe se terrent comme des rats à Moscou. C'est pour ça que sa femme n'est pas venue à l'enterrement. Ils disent. On l'a tué, c'est clair. Milošević a été séquestré puis extradé illégalement. Ses assassins se trouvent à Bruxelles et à La Haye, dit un représentant du Centre pour la libération de Milošević. C'est directement la faute du tribunal de La Haye, parce qu'il savait parfaitement qu'il était malade. Dit le leader du parti radical serbe. Il a pris des médicaments bizarres pour aggraver ses symptômes, j'en suis sûre, et ça a mal fini. Il utilisait ses maladies pour faire capoter le procès. Même avec sa santé, il n'avait aucun scrupule, ils disent. Il n'était pas responsable des guerres. L'armée yougoslave avait quand même le droit de défendre son territoire. J'espère seulement qu'on nous rendra vivant notre Cecilj, dit une jeune femme de 25 ans, tellement jeune. Cecilić est emprisonné à La Haye pour crime de guerre. Vous saviez combien de votes a engrangé son parti lors des élections législatives de 2003 ? 28%. Vous savez combien de votes lui prédisent les sondages pour les prochaines élections ? 35%. S'il gagne une nouvelle fois, Cecilić sera ministre, un criminel de guerre sera ministre. Et tout ça légalement. Il sera élu démocratiquement. Dans notre démocratie, on peut voter pour un criminel de guerre. Il sera élu démocratiquement, librement. Ils disent. Dommage qu'on ne puisse pas le voir écouter le verdict. Mais d'une façon ou d'une autre, Dieu l'a déjà puni, dit la porte-parole de l'Association des maires de Srebrenica. On a trouvé des résidus étranges dans son sang. Ça ne m'étonne pas. Ce doit être les restes des musulmans qu'il a mangés. C'était un loup, ils disent. Milošević était responsable des crimes commis au Kosovo. Malheureusement, son esprit reste vivant en Serbie, dit le président du Kosovo. Regardez, je lève mes trois doigts et je dis Sloba. Lève-toi, Sloba notre héros. Ils ne disent pas, ils hurlent. C'est une honte que les autorités aient permis la célébration de cette farce nécrologique. Mon mari a été assassiné en 2001 sur ordre de Milošević, dit la directrice des archives nationales. À Sarajevo, personne ne pleure, ils disent. L'attitude de l'AE a été amorale et inhumaine, dit Gorbatchev. Je suis plus que content, je suis ravi de sa mort. Cet homme a tué mes deux fils. Ma femme est devenue folle, elle a essayé de se tuer en se jetant du 7e étage, après avoir perdu ses frères. Morts, eux aussi à la guerre. L'armée serbe nous a chassés de nos maisons. Et on n'ose toujours pas y retourner. Comment voulez-vous que je me sente ? J'ai 76 ans et je n'ose pas rentrer chez moi. Je vis comme des centaines de milliers d'autres, dans un abri de fortune, à la merci des intempéries, parce que j'ai peur. J'ai peur. En Bosnie, ça continue. Les Serbes continuent à nous terroriser. Dit un vieux bosniaque de 76 ans dans les faubourgs de Sarajevo. À Sarajevo, personne ne pleure, ils disent. Quand j'ai appris ma mort, sa mort, je me suis senti heureux. Ils ont brûlé ma maison à Visegrad, avec ma femme à l'intérieur. Milošević est mort sans avoir assez souffert. Dommage. Il lui restait à peine 50 jours de procès. Il dit et il dit encore, dommage, dommage, dommage. C'est un Bosniaque qui le dit à Sarajevo. À Sarajevo, personne ne pleure, ils disent.